بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونجا الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ces rencontres pour se conseiller mutuellement la vérité et l'endurance. Qu'Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de par ses noms et de ses attributs de nous raffermir sur la voie de son messager alayhi salam et celle de ses nobles compagnons radhiyallahu anhum jusqu'à la fin de notre vie. Donc, inshallah, ce sera notre dernière assise autour de ce sujet alerte aux mauvais aimants, qui est un sujet d'une grande importance, vu que nous devons choisir nos compagnons et ce que nous fréquentons à partir de critères religieux pour qu'ils ne soient pas une mauvaise influence dans notre vie. Nous avons vu certaines fréquentations à éviter, et voici une autre fréquentation qu'il faut éviter. C'est le fornicateur. Car celui qui néglige les honneurs des gens, il est sali, il n'y a aucun doute qu'il ne se gênera pas pour salir l'honneur de son compagnon. Car il ne donne aucune importance aux interdictions de la législation concernant l'adultère, il ne donne aucune considération au texte incitant à la chasteté. قال عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. Dans sourate le voyage nocturne, le verset cité, le verset 32, dans sa traduction approximative du sens du ce verset, il nous dit: n'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude et une mauvaise voie. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, par l'imam Bukhari, le messager d'Allah a dit: le croyant ne fornique pas quand il a la foi complète. Il ne vole pas quand il a la foi complète. Il ne consomme pas l'alcool quand il a la foi complète. Donc ça veut dire que ces actes, il les accomplit au moment d'une faiblesse de foi. Et le messager d'Allah nous a annoncé ce qu'Allah lui a fait voir durant le voyage nocturne, durant l'ascension, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir du châtiment des fornicateurs, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le messager d'Allah dit: ils ne sont partis vers un four. Il raconte son voyage, son ascension vers le ciel avec Jibril alayhi salatu wa salam. Le messager d'Allah dit: ils ne sont partis vers un four qui, comme la forme d'une pyramide, dont le haut est très étroit et la base est très large. Et en bas, les flammes du feu qui font remonter des hommes et des femmes nus jusqu'en haut du four. Il dit que les flammes diminuent, ils redescendent. Et ceci est une partie d'un long hadith où le messager alayhi salam nous a décrit les châtiments que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir de certains péchés capitaux, comme l'adultère, comme la médisance, comme les transactions, le riba et autres. Et cela nous amène à parler d'une autre catégorie de fréquentation qu'il faut éviter. C'est les homosexuels des deux sexes. Et ceux qui sont dans ce délire, on ne peut pas être épargné de leurs méfaits. Allah a blâmé ceux qui s'adonnent à la sodomie, qui est un grand péché, et qui est un péché capital. قال عز وجل ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. Dans Sourate, l'araignée, verset 28-29, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit: mentionne lorsque Lot dit à son peuple, vous vous livrez à une turpitude que personne au monde n'a commis avant vous. Vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes, vous pratiquez le brigandage et vous adonnez à des abominations dont vous assemblez. Fin du verset. En Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun bien à espérer de ce genre de fréquentation. Combien sont nombreux ceux qui les ont fréquentés et qui sont devenus comme eux, où leurs enfants ont été violés par ce genre de fréquentation. Certains ont même divorcé avec leurs femmes et ils ont délaissé leurs enfants à cause de cette malheur fréquentation. C'est une fréquentation qui n'a que des méfaits sur celui qui les fréquente. Et il est triste et honteux d'entendre les plaintes de certains de nos sœurs qui subissent cet horrible acte de par leurs époux qui leur font croire que c'est un acte qui est illicite. Et ceci est très grave. C'est que la personne s'adonne à un péché capital et fait croire qu'Allah l'a autorisé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ceux qui agissent ainsi doivent se repentir et préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne doivent pas profiter et abuser de la faiblesse de leur femme. Demain, il y aura le jugement qu'ils prouvent cela. Peuvent présenter à Allah subhanahu wa ta'ala, ils en auront aucune. Donc, frère Allah subhanahu wa ta'ala, dans la compagnie des homos et des fornicateurs, il n'y a aucun bien à espérer. Leurs assises ne sont pas épargnées du fait de zioter tout ce qui est haram et d'entendre les descriptions de femmes et d'hommes et comment ruser pour les faire tomber dans les filets, etc. Avec ce genre de compagnie, il n'y a pas de rappel ni d'invocation d'Allah, il n'y a que le rappel des tentations et de la dissension et de la sédition. Et leurs discussions portent sur le blâmable et sur la turpitude, qu'Allah nous en préserve. Et nous passons à une autre catégorie qu'il faut éviter. Et nous passons à une autre catégorie de fréquentation qu'il faut éviter et fuir, les médisants, ceux qui médisent sur les gens. La médisance qui est un défaut blâmable et un péché capital, Allah nous en a avertis. قال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Il est dit dans la traduction approximative du verset dans le Hujurat, verset 12, et ne me disiez pas les uns des autres, qui de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Craignez Allah, car Allah est celui qui accueille le repentir et il est miséricordieux. Regardez cette image que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de ceux qui médisent. Hein? Manger, quelqu'un aimerait manger la chair de son frère mort? Wa qala azza wa jal, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Et dans Sourate Qaf, verset 18, la traduction approximative du sens du verset cité ici, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, est inscrit par les anges, un à droite, un à gauche. Et donc, le messager d'Allah nous a expliqué ce que c'est que la médisance, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous en quoi consiste la médisance? Les gens dirent, Allah et son messager le savent. Et il dit, c'est lorsque tu parles de ton frère en des termes qu'il réprouve. On lui dit, vois-tu si ce que je dis de mon frère existe réellement en lui? Il répondit, alayhi salatu wa salam, si ce que tu dis existe réellement en lui, tu auras midi de lui, et si ce que tu dis n'existe pas, alors tu l'auras défamé. Allahu musta'an. La compagnie des médisants est très dangereuse pour la personne et il est néfaste pour la personne. Ce genre d'individu, quand il est avec toi, il ne te cherchera aucune excuse. Et il ne fait que chercher tes défauts pour les propager et les propager avec tes secrets. Et il n'y a aucun doute que la médisance est un péché capital. Écoute ce que nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a été envoyé comme miséricorde. Écoute ce qu'il dit concernant les médisants et ce qu'ils médisent sur les autres. Dans le hadith rapporté par Abu Daoud, rahimahullah, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors de mon ascension aux cieux, je suis passé devant un groupe de gens qui avaient des ongles en cuivre avec lesquels ils se déchiraient le visage et la poitrine. J'ai dit, qui sont ces gens, ô Jibril? Il m'a répondu, ce sont les gens qui médisent sur les autres et qui portent atteinte à leur honneur. Écoutez, ce châtiment qui est réservé à ceux qui médisent. Je suis passé devant un groupe de gens qui avaient des ongles en cuivre avec lesquels ils se déchiraient le visage et la poitrine. Et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a posé la question sur ces gens-là qui agissent ainsi, qui sont-ils? Il lui a dit, ce sont ceux qui médisent sur les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et il nous y a interdit aussi de prêter l'oreille à la médisance. Il nous a interdit de médire comme il nous a interdit de lui prêter l'oreille. Selon Abu Darda, le prophète d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui défend l'honneur de son frère, Allah éloignera le feu de son visage le jour de la résurrection. Le hadith est jugé hassan par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayhi dans Sahih Tirmidhi. Ce hadith nous clarifie sur le fait de ne pas prêter l'oreille à la médisance et qu'il est obligatoire de sensibiliser le médisant sur cet acte répréhensible et de lui recommander de préserver les droits d'Allah et qu'une telle attitude implique une grande récompense. C'est-à-dire, quand on remet à sa place celui qui médit, et on lui rappelle l'ordre d'Allah Azza wa Jal, et on défend celui sur lequel il commet la médisance, cela implique une énorme récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, l'éloignement du visage, du feu de l'enfer, le jour de la résurrection. Hein? Et ceci est cité dans le hadith du messager alayhi salatu wassalam, le hadith que relate Abu Darda radiyallahu anhu arda. Et méditer la situation de ceux qui connaissent Allah d'une grande connaissance et qui préservent les droits d'Allah. Un jour un jeune vint voir Cheikh Rabi habidahullahu ta'ala et lui dit, Salman, dis de toi ceci et cela. Cheikh Rabi lui a coupé l'herbe sur les pieds en lui disant, Shaitan n'a trouvé personne d'autre que toi pour t'envoyer vers moi. Et c'est ainsi que nous devons nous comporter avec ceux qui médisent sur les autres. Nous devons couper les herbes sur leurs pieds et leurs. Et celui qui vient te dire quelque chose, c'est que de toi il va aller dire de toi une autre chose à d'autres. Et nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala à ce niveau. et de ne pas se laisser entraîner par Shaitan et prendre plaisir à écouter la médisance. Nous devons faire très attention à la médisance et au fait de lui prêter l'oreille. Il n'y a aucun doute que médiser est un grand péché capital duquel Allah et son messager nous ont avertis. Dans la médisance, il y a beaucoup de méfaits. Il coupe le bien et entraîne la coupure des relations. Et il y a aussi dans la médisance le fait de dévoiler ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voilé comme défaut chez ses créatures. Et il y a comme méfait aussi le fait de diviser les musulmans. Et il contient comme méfait aussi le fait de dévoiler les secrets. Et il contient comme méfait aussi la négligence du dépôt. Parce que quand quelqu'un te parle de quelque chose, il t'a fait confiance. Et surtout quand il dit ceci entre moi et toi. Car le musulman, quand il voit un défaut chez son frère, il ne doit pas le divulguer. Et qui parmi les humains qui épargnent du défaut. De là, il nous convient, frère en Allah subhanahu wa ta'ala et sur Allah subhanahu wa ta'ala, de se protéger de ce genre de compagnons et de ces méfaits, des méfaits de la médisance et de ce péché capital et de prendre le pacte sur nous-mêmes pour ne pas médire et pour ne pas faire ce genre d'acte blâmable. Avec ce que nous venons de voir, il ne faut pas non plus avoir de confusion et d'ambiguïté concernant le fait de transmettre les réfutations et les avertissements des hommes de science contre eux, les divions de Tobor. Le fait de propager les réfutations et avertissements des savants ne fait pas partie de la médisance. Dans Riyad Salihin de Nawawi Rahimahullah, Nawawi a réservé un chapitre à ce sujet, juste après le chapitre de l'interdiction de la médisance et l'interdiction de prêter l'oreille à la médisance. Et il a donné comme titre à ce chapitre les cas où la médisance est permise. Les cas où la médisance est permise. Et il a dit qu'Allah le couvre de sa sainte miséricorde. Sache que la médisance devient licite dans un but valable et légitime auquel on ne peut pas parvenir que grâce à elle. Et ces cas sont au nombre de 6. Les 6 cas dans lesquels il est légitime et valable de médiser. Le premier cas, la requête ou la plainte devant la justice. Il est permis à celui qui est victime d'une injustice d'adresser une requête au souverain, au juge et autres personnes qui détient l'autorité ou ont le pouvoir de lui rendre justice en leur disant « Un tel a commis une injustice à mon égard, un tel m'a fait ceci ou cela, ou m'a volé, ou etc. » Le deuxième cas, la recherche d'un appui pour mettre fin à quelque chose de blâmable et de ramener son auteur au bon sens. On peut dire à celui dont on cherche l'appui, un tel fait ceci et cela. Réprimande-le pour qu'il y mette fin. Le but, mais notre but doit être de faire cesser cet acte blâmable. Sinon, la démarche n'est pas bonne. Donc, il y a l'intention qui joue un rôle très important à ce niveau-là. Le troisième cas où la médisance est autorisée, comme il est cité dans Riyad Salihin, l'obtention d'une fatwa. On peut donc dire au mufti, mon père, mon mari, mon frère, mon épouse, ou n'importe qui, m'ont fait du tort, ils m'ont fait ceci, cela. Sont-ils en droit de me faire cela? et quelle est la voie me permettant d'éviter ces torts, de recouvrir mes droits et de repousser cette injustice. Cette démarche est permise en cas de nécessité, certes, mais il est préférable d'utiliser la formule suivante. Que penses-tu d'une personne, ou d'une épouse, ou d'un homme, ou d'une femme qui avait fait ceci et cela? De cette façon, le but sera atteint sans que la personne en cause soit identifiée. Il reste cependant qu'il est permis d'identifier et de préciser le nom de la personne en cause. Comme cela est mentionné dans le hadith de Hind, la femme d'Abu Sufyan, qui est venue voir le prophète, il lui a dit: « Abu Sufyan, ne me donne pas ce qui me suffit, moi et mon fils. » Et il l'a cité de par son nom. Le quatrième cas, la mise en garde des musulmans contre un danger les menaçant et les conseils à leur prodiguer. Et les dangers menaçant les musulmans viennent des déviants, viennent des terroristes, viennent de beaucoup de choses. Et il y a plusieurs cas. Le fait de critiquer et de discréditer le récit d'un transmetteur de hadith ou d'un témoin. Cela est permis à l'unanimité des musulmans, voire c'est un devoir lorsque cela est nécessaire. Deuxième exemple, le fait de donner son avis lorsqu'on est consulté au sujet de quelqu'un qui demande la main d'une jeune fille au mariage, ou on est consulté au sujet d'une personne qui veut s'associer à un autre dans un commerce ou autre, ou quelqu'un qui veut déposer un dépôt chez un autre, ou quelqu'un qui veut devenir le voisin d'un autre. Lorsqu'on est interrogé sur des cas pareils, on ne doit pas cacher ce que l'on sait d'eux. Bien plus, on doit mentionner les défauts de la personne en question, et ce à titre du conseil. Donc, quelqu'un vient vers vous, et vous connaissez la personne qui est venue lui demander la main de sa fille au mariage. Si vous lui connaissez des défauts, vous lui dites ce qu'il en est. Quelqu'un vient vers vous, il veut s'associer avec quelqu'un que vous connaissez dans un commerce ou autre. Et vous lui connaissez des défauts, vous devez lui montrer, c'est un devoir. Et il y a aussi le fait de prodiguer le conseil à l'étudiant en sciences islamiques. L'étudiant que l'on voit étudier sans le savoir auprès d'un innovateur ou d'un débauché. Dans ce cas-là, il est permis de le mettre en garde en lui révélant ses méfaits, à condition bien sûr que cela soit fait dans un but de bon conseil. Toujours l'intention joue un rôle très important. Ce genre d'acte, on ne doit pas l'accomplir par esprit de vengeance. Abedan, mais c'est un acte d'adoration dans lequel il doit y avoir la sincérité et le suivi. Car il est vrai que des fois, celui qui veut donner un bon conseil se laisse pousser par la jalousie, les suggestions du diable, croit qu'il est en train de donner un bon conseil alors qu'il n'en est rien. Il convient de faire preuve de vigilance à cet égard. Et il y a aussi le fait de signaler à un responsable les négligences d'une personne lorsque celle-ci ne s'acquitte pas convenablement de sa mission, soit par inaptitude ou par négligence ou autre raison. Il est donc permis de signaler les défaillances de cette personne à son responsable afin qu'il l'écarte de ce poste et le remplace par un autre qui en est digne, ou afin qu'il l'incite à se corriger et afin que le responsable soit au courant de ce qui se passe sous sa responsabilité. Là, ce sont des cas où, quand on agit ainsi, et pour le conseil, on n'est pas dans la médisance. Et le cinquième cas, le fait de mentionner les vices ou les innovations de quelqu'un qui les fait ouvertement, comme celui qui boit de l'alcool publiquement et celui qui spolue les gens de leurs biens. il est permis de mentionner ses vices sans rajouter quoi que ce soit. Quand on mentionne, il n'y a pas de rajout, on ne rajoute rien. On reste dans la vérité. Le sixième cas, le fait de nommer quelqu'un pour signe, par signe distinctif, lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement. Par exemple, le boiteux, l'aveugle, ou autre, ou du liédeï, hein? Sauf qu'il est interdit de les nommer ainsi par ironie. De même qu'il est préférable de les nommer autrement dans la mesure du possible. Hein? Et donc, le fait de nommer quelqu'un par quelque chose par lequel il est connu, khlas. Hein? Il n'y a aucun mal. Il y a l'Amesh, celui qui a des trucs dans l'oreille, là, les petites croûtes, dans les yeux. C'est un muhaddith, et il l'appelait l'Amesh. Et autre. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a appelé un compagnon de l'Yadayn. Donc, c'est la personne a un signe distinctif avec lequel les gens ont l'habitude de l'appeler, il n'y a pas de mal. Sauf qu'il ne faut pas le faire par ironie. Et il est préférable de les nommer autrement. Ces six cas ont été cités par les savants qui sont d'accord à l'unanimité sur la plupart d'entre eux, et en plus, les six cas ont leur argument cité dans des hadiths authentiques et célèbres. Et si vous relisez, comme il se doit, Riyad Salihin, au chapitre les cas où la médisance est légitimée et autorisée, vous allez vous retrouver avec les preuves que Nawawi a cité, rahimahullah ta'ala, dans ce chapitre. Et donc, après la médisance, il est aussi du devoir du musulman de s'éloigner du colportable, du colportage, et de ne pas fréquenter les colporteurs, et de ne pas fréquenter ceux qui font le colportage entre les gens pour semer la zizanie et la haine entre eux. Le colporteur colporte des propos d'une personne à une autre pour faire la fitna et pour créer des problèmes. Allah nous a avertis contre ce genre d'individu, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال عز وجل ويل لكل همزة لمزة. Traduction approximative dans sourate le calomniateur, verset 1. Malheur à celui qui par ses actes et ses propos ne cesse de vilipender les gens. الله المستعان. وقال عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Et dans sourate la plume, versets 11 et 12, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. N'oublie pas celui qui ne cesse de jurer et qui est méprisable, qui ne cesse de s'adonner à la médisance et au colportage de calomnie. Hein? N'oublie pas celui qui ne cesse de jurer et qui est méprisable et qui ne cesse de s'adonner à la médisance et au colportage de calomnie. La plume, versets 10 et 11. Et selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est passé à côté de deux tombes. Et il a fait cette remarque au sujet de ceux qui s'y trouvaient. Et il a dit, alayhi salatu wa salam, ils sont soumis au châtiment. Et ce pour des péchés qui ne sont pas graves, ou plutôt si. C'est-à-dire, ils ne sont pas graves aux yeux de certaines personnes. Mais en réalité, ils sont très graves. Car il en découle le châtiment dans la tombe de l'enfer. Et ce pour des péchés qui ne sont pas graves, ou plutôt si l'un d'eux colportait la calomnie, tandis que l'autre ne se cachait pas quand il urinait. Et dans une autre version, il ne fait pas attention à l'urine qui goutte sur lui. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. colportage et le fait de ne pas faire très attention à l'urine. Regardez ces deux actes. Beaucoup de gens n'y font pas attention, alors qu'il en découle le châtiment de la tombe. Et selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe sur ce qui est la sorcellerie? Il a dit: c'est le colportage. Les ont dit répondu entre les gens. Le hadith est rapporté par Muslim. Regardez la définition qu'il a donnée à la sorcellerie, le colportage. Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: le colporteur n'aura pas accès au paradis. Le colporteur n'aura pas accès au paradis. Donc, il n'y a aucun doute que celui qui use de ce défaut pour avoir la sympathie, il n'y a aucun doute que celui qui use de ce défaut, il le fait pour avoir la sympathie des gens ou avoir d'eux un intérêt. Et celui-là n'est pas un compagnon, n'est pas une personne à fréquenter. Et ce n'est pas un compagnon qu'il faut chercher à fréquenter, ni avoir comme compagnon, car il n'est pas digne du dépôt. Il cherche les défauts des autres. Il rencontre les gens avec une face qui est différente de ce qu'il cache. Et cela fait de lui une personne dont la compagnie est néfaste pour celui qui l'accompagne. Car c'est quelqu'un qui ne cherche qu'à créer la zizanie entre les gens, ou leur feront miroiter qu'il veut leur bien, alors qu'il ne cherche que son intérêt. Soit il va créer la zizanie entre toi et les frères, soit il va t'induire à médiser sur tes compagnons, et après il s'approchera d'eux par le fait de leur colporter ce que tu as dit. Ce genre de personne n'est l'ami que de lui-même, il n'a pas d'autre ami. Et il faut faire très attention à ce genre d'individu. Wallahu al-musta'an. Car le mal qu'ils font est très grave. Donc, le colporteur excite la haine des musulmans et crie la zizanie entre eux. Il peut créer une guerre entre eux. Il crée la rupture des liens entre eux, des fois jusqu'à la fin de leur vie. Il sépare entre le père et ses enfants, la mère et ses enfants. Il sépare le savant de ses étudiants en colportant. Il sépare et divise les étudiants. Et ceci, et aussi, il crée des problèmes entre les hommes de science en colportant. Donc, c'est quelqu'un qui sépare et divise dans tous les milieux. C'est quelqu'un qui crée le mal dans la société et qui sépare les époux. Et ça, c'est un genre de sorcellerie. Car les sorciers sont comme Allah les a décrits dans Sourate Al-Baqarah. قال عز وجل ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. La traduction approximative du sens du verset: les gens apprennent d'eux le moyen de séparer l'homme de son épouse. Et le colporteur sépare entre ceux qui sont liés par de l'affection. Et leur affection devient de la haine. C'est pour cela que certains de nos salafs ont dit: le colporteur détruit en une heure ce que ne peut détruire le sorcier en une année. Le colporteur arrive à faire séparer un couple et de le faire divorcer plus vite que le sorcier. Wallahu al-musta'an. Le sorcier, des fois, son mal est limité à deux, voire trois personnes ou un petit groupe. Le colporteur arrive à faire du mal à toute une société. Et il va d'une assise à une autre, dans une société, d'un bureau à un autre. Et il appelle cela au téléphone. Il a écrit dans un message, dans un groupe, et dans l'autre message, il écrit cela pour semer la zizanie et le désaccord entre les gens. Et il est actif dans son colportage et il excite le mal entre les gens. Et j'ai cité le hadith rapporté par Ibn Mas'ud. Voulez-vous que je vous informe sur la sorcellerie? Il a dit le colportage, alayhi salatu wassalam. Donc, les hommes de science disent que le colportage est une forme de sorcellerie. Même si le colporteur ne tombe pas sous le jugement de la mécréance comme le sorcier. Car le colportage est un péché capital qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais le colportage a les méfaits de la sorcellerie. D'où l'appellation du colporteur sorcier. Le colporteur n'est qu'un fasiq avec son péché capital duquel il doit se repentir. Et en conclusion, le comportement adéquat à avoir avec les fréquentations doit être basé sur un certain point. Le premier point, rappeler à ces mauvaises fréquentations la grandeur et la majesté d'Allah. Et le rappeler le châtiment et la colère d'Allah dans l'espoir que leur cœur s'adoucisse et s'exhorte et revient et se repente à Allah subhanahu wa ta'ala de leur mauvais comportement et de leur désobéissance à Allah. Car le verset nous dit « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » dans Sourate les vents éparpillés, Sourate les vents qui éparpillent, verset 55, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela, « Mais n'ayez de cesse d'exhorter, car le rappel fait du bien aux croyants. » وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Donc, dans Sourate, il s'est renfrogné, versets 11 et 12, « Tu ne dois pas agir ainsi. » C'est-à-dire, les versets qui te sont révélés sont en toute vérité un rappel que celui qui le veut en tire une exhortation. Et donc, le deuxième point observé pour fréquenter la mauvaise fréquentation, c'est de blâmer le mal qu'il fait. Car ça, blâmer le mal qu'il fait, ça peut l'aider à prendre conscience du mal qu'il est en train de faire. Et ça, c'est ton excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi ton désaveu de ce qu'il fait. Sinon, si tu le laisses faire et que tu es là, tu y consentes, tu écoutes sa médisance, c'est comme si tu y consentes avec lui. Lui, il se renforce dans ce qu'il fait. Ce qui t'est demandé dans la cible, c'est de blâmer et de conseiller pour qu'il prenne conscience du danger de la situation. Car le messager d'Allah a dit dans le hadith, rapporté par l'imam Muslim, celui qui voit parmi vous un mal, il doit le changer par les mains. Et ceux-ci, changés par les mains, ce sont ceux qui ont le pouvoir, qui peuvent le faire. Ou par la langue, c'est-à-dire, tu conseilles, et tu réprimandes la personne avec la langue, en lui faisant rappeler la grandeur d'Allah, le châtiment d'Allah, et ainsi de suite. Donc, le prophète a dit, celui qui voit parmi vous un mal, il doit le changer par les mains ou par la langue. Et s'il ne peut pas, la moindre des choses par le cœur, et c'est là le plus bas degré de la voix. Le plus bas degré de la voix, c'est de blâmer l'acte par son cœur. Et c'est aussi ne pas rester dans le droit de la débauche, là où l'alcool se consomme, là où tu entends insulter Allah, ou insulter son messager, où il consomme de la drogue, et ainsi de suite. Là, tu dois fuir cet endroit-là. Qais bin Abi Hazim a dit, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu wa arda, s'est levé et a loué Allah. Et il a glorifié Allah, puis il a dit, ô gens, vous lisez ce verset. قال عز وجل, يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Il est de ce verset dans la traduction approximative. Du sens de ce verset nous dit cela, dans Sourate Al-Taha, verset 105, « Où vous qui croyez, attachez-vous à l'amendement de vos personnes. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous restez sur la voie droite. » Et Abou Bakr de dire, « Mais nous avons entendu le messager d'Allah dire, « Quand les gens voient le mal et ne le changent pas, Allah les châtiera tous. » Quand les gens voient le mal et ne le changent pas, Allah les châtiera tous. Et il a dit cette parole du messager alayhi salatu wasalam comme explication à ce verset. Et ce hadith de Sohattar, d'Abu Bakr, et ce hadith sont authentiques. Ils sont chez Abu Daoud et autres. Et certaines personnes ont des ambiguïtés avec ce verset. C'était par Abu Bakr radiallahu anhu arda. Alors que ce verset ne prouve pas qu'il est permis d'abandonner, de recommander le convenable et de blâmer le blâmable. Lorsque cela est possible, Saïd ibn al-Musayyib a dit, concernant ce verset, si tu commandes le bien et tu interdis le mal, celui qui s'égare ne te nuira point si tu restes sur la voie. Ça, c'est la compréhension de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et aussi, l'un des points essentiels concernant les mauvaises fréquentations, c'est de les mettre à la quarantaine et s'en éloigner. Mais cette mise à la quarantaine et ce hajr doit être selon les règles de la législation et non selon les passions, comme cela est clair dans les paroles des savants. Et il est obligatoire que ce hajr soit fait sincèrement pour Allah. Et non pas par revanche sur la personne. Car son hajj peut être un motif de son repentir et de son retour vers la vérité. Et le hajj doit être conforme à ce qui est dicté dans la sunna. Et donc, on ne doit pas s'asseoir avec cet innovateur, ce divergent, obstiné. On ne doit pas s'asseoir et se trouver dans les assises où quelqu'un consomme de l'alcool et on doit, quand on cherche un appartement, etc., chercher le voisinage des gens qui sont bien et fuir les mauvais en se renseignant dans le quartier avant. Et on ne doit pas porter un respect à ces mauvaises fréquentations, à ces débauchés et à ces déviants. On ne doit pas leur parler, ni les saluer, ni leur faire un sourire. Et tous les autres comportements que nous devons accomplir à leurs encontres, et ne pas prêter attention à leurs paroles, et ne pas se concerter avec eux. Car l'étendard de celui qui pratique le hajr doit être ce qui est stipulé dans le verset. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Dans sourate la discussion, verset 22, la traduction approximative de ce verset nous dit: tu ne verras jamais ceux qui croient en Allah et au jour dernier affectionner ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leurs fils, leurs frères ou des membres de leur clan. Donc, frère Allah subhanahu wa ta'ala, et ce hajr doit être accompli selon les règles instaurées par les hommes de science qui sont extraits du livre et de la sunna. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie et on reviendra à la traduction de cette risala de notre noble cheikh, Cheikh Abdallah al-Bukhari, intitulée « Méditation sur la situation du hajr ». Pour bien assimiler ce sujet dans lequel il y a beaucoup qui pataugent. Cette série que nous venons de terminer aujourd'hui a été consacrée à certaines catégories de gens qu'il ne faut pas fréquenter. Et cette série est faite pour le rappel, car le rappel fait du bien aux croyants. Et ces catégories, malheureusement, ces catégories existent parmi nous et parmi les gens que nous fréquentons. Et à cause de nos péchés, nos cœurs ne blâment plus le mal, sauf peu de gens qu'Allah a préservés qui le font encore, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a incités à se conseiller mutuellement la vérité et l'endurance. Sourate al-Asr. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Les nobles compagnons, quand ils se rencontraient, discutaient entre eux, et à la fin, un lisait Sourate al-Asr pour se rappeler ce devoir. Parce que comme il a dit Cheikh Nasr Din Albani et d'autres hommes de science avant lui, cette Sourate al-Asr, l'être humain est en perdition sauf ceux qui ont cru, fait bonne œuvre, et qui se conseillent mutuellement la vérité, et qui se conseillent mutuellement la patience, le fruit de l'amour du croyant à l'autre croyant, c'est de mettre en pratique ce qu'il y a dans cette sourate. C'est-à-dire, le conseiller au moment où il le faut, et lui montrer son erreur pour qu'il y revienne, lui montrer la vérité, et blâmer le faux sur lequel il est. Hein? Et chacun de nous doit voir où sommes-nous de cela avec nos fréquentations. Ou est-ce qu'on a peur de les perdre en les conseillant, en réprimandant le mal qu'ils font? Ou on a peur, hein? Alors que nous ne devons pas avoir peur. Car ceci est un bien pour la personne, est un bien pour nous-mêmes aussi. Pour que la personne puisse se réformer en bien, et pour que nos cœurs ne meurent pas, ils ne deviennent pas insensibles aux blâmables et aux turpitudes. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'adoucir nos cœurs et de faire de nous des gens qui entendent la bonne parole et qui la mettent en application. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Jazakumullahu khairan.